Je suis Birdy Duck. J'ai connu des sociétés... Vous allez peut-être en avoir marre que je commence toujours de la même manière. Bon, on va dire que c'est ma touche à moi, puis j'essaierai d'en trouver une autre pour les podcasts de l'an prochain. Je reviens à mes moutons. Je suis Birdy Duck. J'ai connu des sociétés où la hiérarchie se voyait à l'œil nu, des sociétés où l'on naissait en bas et où l'on mourait en bas, des sociétés pyramidales, raides comme une règle en bois. Et me voilà dans la France de la seconde moitié du XXe siècle. La première moitié de la seconde moitié, celle qui commence avec Édith Piaf et sa vie en rose et qui termine avec la mort de Mike Brandt en 1975. Vous noterez que passer de Piaf à Brandt n'illustre pas un progrès de la chanson française. Le développement économique ne passe pas toujours par celui culturel. La prospérité n'est pas nécessairement une élévation. C'est là que j'ai rencontré Henri Mandras. Je vous en ai déjà parlé, mais on ne se lasse pas des bonnes compagnies. Il me dit calmement « Birdy, la pyramide s'arrondit ». Je crus d'abord à une maladie architecturale, mais non. C'était une transformation sociale, et de cette transformation sociale, on peut peut-être tirer un premier argument remettant en cause la pertinence des classes sociales. Les chiffres parlent. Toujours commencer par les chiffres. Selon les séries longues de l'INSEE, les agriculteurs passent d'environ un quart de la population active au milieu du XXe siècle à une part résiduelle aujourd'hui, 1,5%, 2% des actifs. La part des ouvriers cesse d'augmenter à partir des années 70 avec un pic à 38% des actifs en 1975 et elle décroît depuis. Les employés et les professions intermédiaires progressent fortement. L'économie se tertiarise massivement, les qualifications augmentent, on a vu tout ça. La structure socio-professionnelle se recompose. Moins d'emplois agricoles, moins d'emplois industriels, plus de services, plus de positions intermédiaires. La société cesse d'être polarisée entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. Elle se densifie au centre. Mais la transformation n'est pas seulement structurelle. Elle est aussi matérielle. Durant les Trente Glorieuses, la croissance économique est soutenue, les salaires réels augmentent, la protection sociale s'étend, l'accès à la propriété progresse, la scolarisation s'allonge. Les données de l'INSEE montrent qu'entre les années 1950 et le début des années 80, les inégalités de revenus diminuent sensiblement, et ça c'est important. La distance moyenne entre groupes sociaux, entre classes sociales, se resserre. Le réfrigérateur, autrefois signe distinctif, devient banal. La télévision entre dans presque tous les foyers, l'automobile se généralise, les vacances se diffusent. Ce ne sont pas des détails, ce sont des indicateurs concrets d'une réduction des écarts de conditions de vie et même de mode de vie. Quand les équipements, le confort et l'accès aux biens deviennent massifs, la distance matérielle entre groupes diminue. Mandras insiste sur un point central. La hiérarchie ne disparaît pas. Il y en a toujours en haut et d'autres toujours en bas, mais les écarts entre groupes se raccourcissent. En termes sociologiques récents, on dit que la distance interclasse, l'écart moyen de ressources, d'équipements, de conditions d'existence, diminue. Le XXe siècle, c'est celui où l'on passe à un monde de confort élargi. Les différences deviennent plus graduelles et moins radicales qu'au XIXe siècle. Autrefois, l'écart était visible dans l'habitat, dans l'alimentation, dans l'accès à l'éducation. On le voit bien chez Hugo, puis Zola, même si l'on peut imaginer que c'est romancé. Mais désormais, beaucoup de ménages partagent un logement équipé, des biens durables, la télé, la machine à laver, l'ordinateur. Une scolarité prolongée pour les enfants, une protection sociale commune. La hiérarchie subsiste, mais elle est plus lissée, moins fracturée. La pyramide ne s'effondre pas, par contre, elle s'épaissit au centre et elle maigrit du bas. Comme votre serviteur qui, avec l'âge, perd de la fesse, des cuisses et des mollets, en prenant du bidou. Dans la seconde révolution française, en 1988, Henri Mandras propose l'image de la toupie, fine aux extrémités, large au milieu. La majorité de la population se concentre dans des positions intermédiaires, employés, techniciens, professions intermédiaires, cadres moyens. Un vaste centre numériquement dominant. Ce centre partage des niveaux de vie relativement proches, des équipements similaires, des trajectoires scolaires plus longues que par le passé. Je vous l'ai déjà dit. La société devient ventrue. Et lorsque la majorité se situe au centre, la représentation d'une société divisée en blocs nettement séparés, qu'il y en ait deux comme chez Marx ou plus comme chez Weber, perd de sa force descriptive. En conclusion, la thèse mandrassienne est nette. transformation profonde de la structure socio-professionnelle, élévation générale du niveau de vie, diffusion massive des biens et des protections, réduction des distances interclasses, concentration majoritaire au centre, la hiérarchie demeure, mais elle devient moins cassée, moins fragmentée, moins fracturée. La vision marxienne expliquait un monde de rupture, la toupie mandracienne décrit un monde de rapprochement, donc un monde différent, un monde dans lequel peut-être, et le peut-être est important, les classes n'ont plus leur place, ou une place moins prégnante.